J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Midi Socialiste, 10 février 1925. Les scandales de Berlin. Berlin. La vieille Allemagne, celle où, suivant le mot de Guillaume II, les femmes ne connaissent que quatre cas, Kinder, Kleider, Kirche, Kuche, enfants, habits, église, cuisine, où les hommes vivaient en pères modèles et en sujets obéissants, s'est effacée. Elle a cédé la place à Berlin à une autre Allemagne, relâchée, entraînée dans un courant irrésistible de plaisir, une véritable foire aux vices humains, paradis des nouveaux riches, des anciens rats de l'arrière enrichis sur le Feldgrau, des épaves de la guerre vivant sur leur ancienne gloire et traînant leurs sabres brisés, des escrocs jouant la note patriotique, des sadiques en quête de raffinements inconnus. Berlin est devenu le rendez-vous de tous les profiteurs de l'Europe orientale et le centre d'attractions les plus variés. Des artères entières, comme le Kurfürstendamm, resplendissent le soir de lumière fantasmagorique, reflétant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et dessinant dans l'obscurité les noms éblouissants des Likorstube, Casino, Diele et Tanzpalast. Au son de musique stridente, depuis la balaïka russe jusqu'au véritable jazz band nègre, un monde hétéroclite donne libre cours à ses débordements. Le journal satirique Hulk représentait dernièrement un Allemand fourvoyé à Berlin dans une de ses rues exotiques, pleines de lieux de plaisirs étrangers avec leurs enseignes écrites dans toutes les langues du monde. « Si je pouvais seulement trouver un endroit, s'exclamait-il, pour manger un bon beefsteak allemand !» Ce qui frappe ceux qui connaissaient Berlin avant la guerre, c'est l'abondance et la variété de la Revolverpresse, feuille de potin et de chantage qui s'étale dans tous les kiosques. Berliner Nachtpost, la poste nocturne berlinoise, Berliner Arène, Die Freundschaft, l'amitié, organe des homosexuels, etc., etc., et que le public, souvent de jeunes lycéens, lit avec avidité. Car la débauche a touché la jeunesse. Un journal satirique représentait un monsieur âgé s'indignant parce que son voisin, un garçon de 12 ans, fumait un cigare. « Il faudrait que vous voyiez ma sœur. Elle est de 2 ans plus jeune que moi et prise déjà par la coco », répond le jeune voyou. Berlin connaît des maisons de jeux clandestines, des Cocaïnhallen, où l'on trouve dans la morphine l'abandon complet, des cafés où se réunissent des hommes habillés d'oripeaux féminins, des maisons de danse où le costume n'est pas de rigueur, bref, tout ce qu'un esprit abêti, dégénéré, fourvoyé et malade peut chercher. À travers cette vague de plaisir qui déferle, un observateur impartial découvrira facilement le revers de la vie de la capitale. Les fonctionnaires reçoivent avec les indemnités environ 100% des appointements d'avant-guerre. Mais que peut faire un fonctionnaire modeste gagnant 150-200 marques par mois au prix de 200 marques pour un complet médiocre? Pour se donner l'illusion du superflu, on se prive du nécessaire. On rogne sur la nourriture, mais on va au café et au théâtre. Quant aux ouvriers, il suffit d'aller dans les faubourgs ouvriers, à Neukölln ou à Moabit, pour voir la vie au jour le jour des familles ouvrières dans des logements malsains. Il suffit de prendre le soir le chemin de fer de la ceinture, en troisième, pour voir leurs faces amaigries et leurs costumes fripés, écouter leurs doléances. Il suffit de lire les suicides dans les faits divers. Telles sont les deux faces de la vie à Berlin. La misère coudoie l'abondance, la vague de jouissance couvre la souffrance des masses, l'arrogance domine la résignation. Enfin, l'égoïsme et la corruption se sont infiltrés dans les rouages de la machinerie gouvernementale.